6h-9h, votre réveil matin, c'est Francky. Bonjour et bon réveil, aujourd'hui on est le 22 septembre, on espère que vous avez passé une agréable nuit. On est en direct, il est bientôt 7h du matin, heureux d'être là, salut à Katia qui est du côté de Blois, d'Orléans. On vous souhaite une très très bonne journée, le soleil ne sera pas présent aujourd'hui malheureusement. Eh ouais, des nuages, encore des nuages. Normalement, demain, il va faire très beau, si tout va bien, on est heureux de vous retrouver. Et on est là jusqu'à 9h, le meilleur des souvenirs sur la radio couleur avec Star Sailor en Fall to the Floor. C'est sur votre radio couleur. Bon réveil.

un peu de soleil ce matin à 7h17 avec DJ Alok, c'est Controla et Badoxa. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Merci d'être là ce matin, il y a Bubu qui laisse un message. Salut Francky, belle journée. Francette qui est là aussi, bonjour, passe une bonne journée Stéphane, je suis prêt pour t'écouter avec plaisir monsieur Franck, bonne journée, une bonne émission. Et puis Bernard aussi qui est là, bonjour l'ami, bonjour, bah oui le festival de Loire c'est aujourd'hui, ça y est c'est parti. Eh ouais, sur les quais de la Loire, plus de 700 bateaux quand même, des mariniers, des animations, des spectacles, pendant jusqu'à dimanche, voilà, c'est pas compliqué, le Festival Loire qui démarre aujourd'hui. Bon réveil, avec du son qui arrive, et on adore l'île de la Réunion, en hommage aujourd'hui à la famille, voici Willy William, DJ Assad, Denny Azor et Alain Ramanessium. Maluma Sami. toi dans la gaieté. C'est Gaperendorf qui fait te pleurer. Quand elle y fait t'oublier tes agrins. Allô, bouge les reins. C'est gala pour faire ta passe de la fin. Mette la foi dans tous les gays. Vini danser, pas bien trouvé. Ici c'est grâce à nous dansons en frais. De Paris à l'île aux Cé. A la Lila, vous ne vous exprimez pas. A la Lila, ça s'appelle le Sega. A la Lila, vous ne vous exprimez pas. A la Lila, ça s'appelle le Sega. Nous bouteilles du vin, nous gotora dans la tente, nous la libaté. Nous pourrons les dans l'unité. C'est gentil dans des maravans, ça couillera, van, pé, batte, les reins, la rapée, vous ira, nous les nous n'amener. Santé danser pour nous amuser. Mettre la foi dans tous les quais. Vini danser, pas besoin de tomber. Ici c'est grâce à nous dansons en frais. De Paris à l'île aux Cés. A la Lila, vous ne vous exprimez pas. A la Lila, ça s'appelle le Sega. A la Lila, vous ne vous exprimez pas. A la Lila, ça s'appelle le Sega. À l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Away from me, as I walk through the subway, it must have been about quarter past eight. Right in front of me, stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said, it cost her a name. She said, I'm gonna rent a day with me tomorrow. And I see the crime. No, didn't she mind? I don't think so. Now, was it for real? But damn sure. Now, what was the deal? A pretty girl is 24. So was she keen? She couldn't wait. Till I'm a queen. Now, let me have a date. Now, what did she say? She says, in love, too. Well, I don't know. She asked me, we're gonna do some stuff. What about the moment for tonight? Was I began mine, and she was level five. Through a talker, she told me she loved to unfold me all night long. And oh, I love the way she kicked it from the front of the back, straight back. And I won't go out there, hope that you care, cause I'm mad, I'll always be there. I'm not a man to play around, baby, cause what I said isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that. No, that's me, but I'm full of regrets. I fall down from the subway to my home, and it's ringing off of my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me, call me. Plutôt sympa cette version Kizomba de Seven Day, Craig David sur l'arc-en-ciel. Coucou Estelle qui nous écoute sur internet, arc-en-ciel.fr. Vous tapez sur le net, vous allez voir sur Google, vous trouvez la fréquence et ça donne tout seul le player. Du côté de Pithiviers, bonjour Estelle, et puis le meilleur des souvenirs, on réveille comme ça avec la reine de la soul music, Aretha Franklin. On réveille 7h26 minutes et respect. Théo. On va dire qu'on sait la météo pour aujourd'hui, ce 22 septembre. Eh bien, le ciel est couvert toute la journée avec quelques rayons de soleil, mais très timide. Et ça caille ce matin, 8 degrés. On va pas dépasser les 20. La bonne nouvelle, c'est que le soleil sera de retour normalement demain. Et ce, pour toute la journée. Bon réveil à Edouard du côté de Saint-Jean-de-Bresse. Salut Doudou, comme on l'appelle dans le métier. Bonne journée, Francky. Merci d'être là le matin. Bah oui, merci à vous aussi. Pas facile, hein, d'aller au job avec 8 degrés aujourd'hui. Eh, ça caille. Eh ben, Mike, c'est rive. Kings of the Queen sur l'arc-en-ciel. Follow the kings, had the queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can live without me, you wanna, but you can't. And mama, think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. We definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more ways. That simple world of my own. Nobody but you and me. We got it together, baby. You're my sun, my moon, my Just My Last, My Everything, Barry White, quelle voix. Il nous a quitté il y a plus de 10 ans déjà, ça passe. Et puis lui, il sera notre invité tout à l'heure, le triathlète Brice Debord dans les cieux de la radio. Le 17 ans dernier, c'était son club de fin, 18 saisons en première division de triathlon. Il est de Saint-Jean-de-Mont, il habite à Orléans, il sera dans les studios vers 8h30 et ça fait vraiment, vraiment plaisir de le retrouver. Brice Debord, 8h30, notre invité, le triathlète, la star d'Orléans dans les cieux de la radio. Essas tuas brincadeiras, só perdoei-te antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou. Tudo passou. Eu vou me embora, baby, é o melhor pra mim. Eu não consigo mais ter que ficar aqui. Tu me fizeste jurar, oh baby, e não te vou perdoar. Não, não, yeah. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Talvez seja melhor pra mim. Só perdoei-te antes é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Hey, hey, j'ai décidé. DJ Adema, boy, c'est dit, j'ai décidé. La version qu'ils ont bas, vous l'adorez, ce titre sur la radio couleur, à France Orléans, 96.2 FM. Salut mon Tony, Tony qui m'écoute depuis des années, ah, ça me fait plaisir mon ami. Salut, et puis bah c'était son anniversaire il y a deux jours, je crois. Bah, un grand bon anniversaire, et puis bah lui, un grand grand fan de Johnny, mon Tony. Bah tiens, on va lui faire un petit mari ce matin, belle journée, avec toutes les maris qui sont là, peut-être que vous allez au boulot, et ouais, sous les nuages d'Orléans. Bah ouais, ça fait du bien, voici Johnny. Si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'or

ce matin, bougez votre corps sur la tangentielle. Bah oui, ça y est, ça bouge, ça commence. Ah ouais, ça gueule déjà. C'est le 24 Magic avec Bruno Mars. Ah, le collectif qui arrive, ça c'est la grande famille de la radio. Et on les salue au passage, le nouveau single Vida Loca qui va arriver dans quelques minutes. Et puis voici, c'est la vie, c'est la prise de Raled. Ciel 7h48, le nouvel album du collectif Métissé est disponible dans les bacs. Danza Kuduro, voici le nouveau single et on l'adore. Vida Loca en exclusivité. Il est au téléphone avec nous la semaine dernière. Somariba, le Superman du collectif. C'est la famille, c'est mon grand frère, normal. Voici Vida Loca sur Radio Ciel. Ay, esta vida loca, o balance. Baila, que la noche va a empezar, y tu cuerpo pide más. Chica, déjate llevar. Hey, hey, hey, bonita, ven, ven, ven, ven. Será fiesta, la fiesta, y al mundo se deja. Allez, viens, on y va. Ce soir, c'est la fiesta.

Allez, conseil, je regardais la pochette. Ouais, on a encore des disques de la radio, hein. Il date de 2001, ce titre, hein. Ouais, ça passe, hein, 20 ans. Ah la vache, plus de 20 ans, 21 ans même. On va parler de notre invité, ça va être dans 30 minutes. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et j'espère qu'il va venir en courant ce matin. On a un athlète, un triathlète même, qui va venir à la radio et on l'adore, il est d'Orléans, il s'appelle Brice Debord. Le 10 septembre dernier, il y a 15 jours, c'était son club de fin, 18 saisons en première division de triathlon à Saint-Jean-de-Mont, sa ville natale. Eh bien, il est d'Orléans, il sera notre invité. Il va nous parler de cette belle carrière, 18 ans de carrière de triathlète, un sacré personnage. Je pense qu'il va venir en courant, je suis pas sûr, mais je pense. Du son qui arrive, le meilleur des années 90, le début de la dance music avec Black Box et One on Time. Bon réveil et belle journée sur l'arc-en-ciel. Quel souvenir, Black Box sur la radio couleur 1989, ça va pas vous rajeunir ça. Et One on Time, c'est vrai que c'était le début des dance floors, ça, des discothèques, ouais, où la house music faisait son apparition et on dansait comme des ouf. Eh ouais, salut à Jérémy du côté d'Olivier. Salut mon Francky, belle journée à toi. Bah, belle journée mon Jérémy. Black Box, One on Time. Et la météo. La météo. Aujourd'hui, le ciel est nuageux, couvert, quelques rayons de soleil tout à l'heure, mais très timide. Demain,

gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Get Lucky, et puis aujourd'hui c'est parti le 22, on est le 22 septembre, Festival de Jouarre, plus de 700 000 personnes sont attendues, c'est jusqu'à dimanche, des mariniers, des animations, du spectacle à ne pas rater, le Festival de Jouarre à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à dimanche avec cette belle parade de tous les bateaux, un spectacle à ne pas rater, alors allez un peu vous aérer, demain il va faire super beau, ça va être bien de se balader près des quais comme ça, avec le pass bien sûr, bien obligatoire pour le festival. Venda Sakuduro, c'est Bigali, Lucenzo. Somewhere, somewhere, somewhere, somewhere, si avec ça on vous réveille pas le matin. Lucenzo Bigali avec Vandassa Kuduro. Bon réveil et belle journée. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Il est avec nous au téléphone, c'est un habitué de la radio, c'est Nabom, le bonimenteur. Bonjour, c'est Nabom. Bonjour, mon ami. Comment alors, tu vas bien? Et bonjour aux auditeurs, naturellement. Bien sûr, toi, un grand habitué de la radio arc-en-ciel, hein, tu viens fréquemment chez nous, nous voir, ça nous fait plaisir d'ailleurs. Ah, dès qu'il y a un petit peu de pluie, voilà, là, j'arrive à arc-en-ciel. Voilà, il faut de la pluie, pas avant. Hein. Justement, on parlait du Festival de Loire qui démarre aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche, des mariniers, des animations, du spectacle. Bah toi t'es un peu en colère parce que bonimenteur quand même. Non, je suis pas en colère, je suis habitué. Ah t'es un habitué, parce que t'es pas sur la liste. Je suis habitué de cette situation. Hein. On m'oublie au programme et le producteur qui nous vient de Marseille. Ouais. N'a pas trouvé intéressant l'idée que je puisse compter sur scène. Alors bon, là, à l'initiative de Martine Griveaux qui fait toujours beaucoup d'efforts, j'ai obtenu un passage sur scène vendredi à 17h, mais ça a été bêtement oublié au programme. Mince. Comme il y a 2 ans du reste. C'est bizarre. Alors, on reçoit des excuses en disant que c'est de la faute des services. Acceptable, tout simplement. Puis, du coup, bah, j'ai écrit un petit épigramme à notre cher producteur. Ah, on peut avoir un extrait ou pas? Un petit extrait. Il est court, hein, mais il va falloir prendre des notes, parce que si vous voulez comprendre... Bon, enfin, j'y vais. Allez, vas-y, mon bonimenteur. Si les marchands d'Orléans importaient huile et savon, embarquant sur les chalands ces produits passés par Lyon, c'est qu'ils faisaient commerce avec le port du soleil pour toucher des sesterces du négoce de Marseille. Ce temps, hélas, oublié, le producteur marseillais ignore tout du passé quand il débarque sur le quai. Pour ce faquin, point d'histoire dans son merveilleux programme du Grand Festival de Loire. Piquez, piquez, collégramme. Comme bons comptes font bons amis, le dicton est bien connu, les mécomptes se paient aussi pour celui qui est de la revue. Amstramgram et sans tam-tam, d'une mauvaise langue le venin déclamera l'épigramme pour piquer fief et coquin. Eh ben dis donc, bravo, c'est Nabom. Et je viens d'écrire un conte, là, juste depuis 6 heures, ouais. Pour ensuite rejoindre les bateaux à passagers, comme ça, loin des scènes et des micros, je parlerai, je ferai le guide pour ceux qui sont... Alors t'es quoi, t'es pas fâché, t'es de l'eau. T'es pas fâché, mais peut-être déçu alors un petit peu quand même. Oh ben non, bah c'est une habitude quoi. Je suis le mauvais objet sans doute. Hein. En tout cas, t'es... alors que j'ai fait une partie du grand retournement avec les amis de la Loire d'en bas. Des spectacles en bois, Saint-Dié, des interventions à Blois, un spectacle à Beaugency. C'était très agréable, mais bon là, à Orléans. Il faut pas donner à réfléchir sur l'histoire de Loire. Ah ouais, c'est comme ouais. Ça. Bah en tout cas, t'es le bienvenu à la radio, mon ami. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis content de te saluer. Puis, alors, je fais peut-être une séance de dédicace pour mon ouvrage Guide du Roublard, le Val d'Orléans. Ouais. Sur le podium de la ville, si on m'y laisse rentrer, parce que j'attends des excuses officielles pour cet oubli. Si on me le donne pas, je m'en irai. Et ben voilà. Et ben tout. Hein. Tu viendras chez nous en parler. Et voilà. Merci, Zénabom. Allez, bonne journée. Salut, bonne journée à toi. Oui. Le bonimenteur, Zénabom. C'est vrai qu'on l'adore à la radio. Moi, j'adore ce coup de gueule. En direct, voici MMT, Nicky Jam. Te digo de mi parte. Que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Suena un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que como él te siente fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que eres una porquería. Ven caliente, mami.

96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Arc-en-ciel, belle journée, bon courage à vous qui allez bosser aujourd'hui. Salut à Stéphane du côté de Saint-Jean-de-Bray, salut Francky, merci pour le son soleil, et ben oui du soleil. Et puis le sportif qui arrive, Brice Debord, ouais, professionnel, quintuple champion de France de cross triathlon pour 2013-2017. Il a mis un fin à sa carrière, c'était il y a 15 jours. On va en parler avec lui, hein, un grand sportif sera dans nos studios dans moins de 3 minutes sur la radio couleur. Tu cintura ahora quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, dejando mi camisa, una ruta de besos, no me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, llévame de tu sonrisa, el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Lento, dígame lento, así con todo sentimiento, cántame niña, no me dejes ir. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento, baila conmigo hasta el pie de salir el sol. Radio Conseil arrive dans 3 minutes. Brice Debord est dans les studios de la radio. Triathlète professionnel français, quintuple champion de France de cross. Entre 2013 et 2017, il a mis un clap de fin à sa carrière. C'était il y a quelques semaines. On va en parler avec lui. Il est dans les studios de la radio. Il est au café. Bah ouais, triathlète, ça boit du café. Il a le droit. Hein. Et puis, du côté de Vendôme, qu'on nous écoute aussi en voiture, bah, c'est plutôt pas mal. Salut à Vendôme. Sur la route, toute la sainte journée, c'est De Palmas. Et puis, on accueille dans moins de 3 minutes Brice Debord dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Bon réveil et belle journée. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Suis seulement jamais plus libre dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Chacun de mes paroles, erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la J'adore. De Palma sur la route. Et ben lui, il était souvent sur la route. On l'accueille. C'est Brice de bord. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Sur la route, t'as dû y être beaucoup de fois. Bonjour Brice Debord. Bonjour. Ça va la forme? Eh bien oui, impeccable. Bon, on est bien à la radio, t'as vu, sympa les locaux. Hein. Ah ouais, très bien accueilli et un endroit très sympa. Voilà, sympatoche. En tout cas, est-ce que t'es venu en courant? Non, je suis venu en voiture. Non mais le cliché, je voyais le mec arriver de chez lui en courant, tu sais, le grand sportif. En tout cas, beau palmarès, un quintuple, le champion de France de cross au triathlon entre 2013-2017. Et puis il y a quelques semaines, tu as mis un clap à cette carrière, 18 ans de saison en première division de triathlon. C'était à Saint-Jean-de-Mont. Exactement. Ouais, pourquoi Saint-Jean-de-Mont? Alors Saint-Jean-de-Mont, ça fait 10 ans que j'étais au club de Saint-Jean-de-Mont, donc un club, on va dire, de la Ligue 1 française en triathlon. Ouais. Pourquoi Saint-Jean-de-Mont? Parce que j'ai eu la chance de connaître aussi le club de Poissy, qui est le club leader, le club phare et le club historique du triathlon français. Et la stratégie de course et les changements de stratégie en première division ont fait que j'avais besoin de trouver un club avec un peu plus de liberté et aussi un projet pour accéder encore à un niveau supérieur. Ouais. Et il y a 10 ans, Saint-Jean-de-Mont répondait à tous les critères pour que je puisse changer de club. Et donc voilà, 10 années avec eux. Alors c'était le 10 septembre hein, à peu près, tu as mis un clap de fin, 18 saisons en première division de triathlon. Le clap de fin, pourquoi? Parce que c'est la retraite aussi un petit peu? Ou alors il y a un âge où le corps n'arrive plus à suivre malheureusement? Ou non, tu te sens encore en... Alors clap de fin du triathlon professionnel sur le format, bon, on va dire sprint et courte distance, vraiment ce format qui est le format principal en première division. Donc des triathlons sprint avec 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Ouais, tu me fais peur. Effectivement, c'est la fin parce que j'ai fait 73 fois, j'ai pris 73 fois le départ des Grands Prix et j'ai moins de motivation, j'ai moins d'envie et avec mon quotidien qui a un petit peu changé comme maintenant je travaille depuis un an. Ouais, ta vie professionnelle. Ouais. Voilà, a pris vraiment le dessus et j'ai plus envie de courir sur ces formats. Je crois que j'ai fait le tour, place à une jeunesse qui a 12 ans ou 14 ans de moins en moyenne d'âge sur les Grands Prix et puis voilà, j'en ai bien profité. J'ai connu 4 générations d'athlètes et, ah oui, et notamment les meilleurs entre 2004 et 2016, ouais. C'était vraiment c'était une grande chance. Et là maintenant, un petit peu de repos par rapport à la première division. Bien mérité en tout cas. Ah oui, bah, ça fait vraiment du bien. La première division, c'est fini. Mais par contre, je garde quelques objectifs en cross triathlon et d'ailleurs un avant la fin de l'année. Et pourquoi pas avoir être devenu coach par exemple, entraîneur d'un club? Non, ça t'a jamais tenté? Alors dans les projets d'encadrement, c'est possible. Mais les nouveaux jeunes. Pour le moment, j'ai pas choisi encore mon vrai projet en triathlon. Je conserve deux objectifs cette année en cross triathlon, donc un en Espagne fin du mois d'octobre et un début décembre. Après, on va laisser passer l'hiver et effectivement, je vais sans doute me rapprocher d'un autre club pour participer à l'encadrement des meilleurs jeunes en première division de triathlon. En tout cas, un beau palmarès, 18 saisons en première division de triathlon. Comment on devient toi aujourd'hui l'idée d'être triathlète? Alors on devient pas, c'est quoi, c'est une motivation dès qu'on est tout jeune? Alors il y a une partie de hasard, faut quand même bien le dire. Ouais. T'es parti comme Forrest Gump courir? Et non, en fait mon papa il a fait un petit peu de triathlon dans les années entre 1985 et 1988. Bon, moi je suis né en 85. Et quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de BMX, du bicross. Ah, à la Chapelle. On les salue d'ailleurs, le club de bicross de la Chapelle. Le bicross club chapellois qui était vraiment une école du sport. Et je courais, parce que la Chapelle, c'était très sympa, on pouvait courir en bord de Loire avec les copains, c'était bien. Et puis finalement, pour le brevet, j'ai appris à nager. Et dans la foulée, je suis rentré en section sportive de triathlon à Chartres et puis ça s'est enchaîné. En tout cas, t'as fait de beaux pays, hein, la Roumanie, la Suisse, la Bulgarie, je regarde, le Pays-Bas, quarantaine de pays. Quel parcours, qu'est-ce qui t'a motivé toutes ces années à rester au top, comme tu es toujours d'ailleurs? Bah, après, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est la chance, c'est une chance hein, de pouvoir le matin s'entraîner, enfin se lever et on va à l'entraînement, on fait ça, on vit et on fait sa passion du matin jusqu'au soir. Alors et puis c'était inattendu hein, de faire du triathlon de manière professionnelle. Bien sûr. Ouais. Et quand on est dans le circuit, ben on n'a qu'une envie, c'est d'en profiter un petit peu plus. Donc voilà. Et puis les voyages, c'est quand même des expériences assez incroyables. Tu parlais des pays. Hein, j'ai eu la chance aussi d'aller en Afrique du Sud, ouais. À Hawaï. En Australie. Les Africains, ça court. Hein, exactement. Donc non, c'est vrai que c'était beaucoup de voyages. Je vais essayer d'en conserver encore quelques-uns pour faire du cross triathlon. Mm-hmm. Parce que c'était une de mes motivations à rester sportif de bon niveau et de haut niveau, c'était la possibilité de voyager avec un objectif. Ouais. Donc, c'est un bel objectif. En tout cas, des images qui resteront dans la tête. Hein, ah oui. Les voyages, ouais. Des voyages. Alors, comment se passe le programme d'un triathlète le matin quand il se lève? Il y a combien d'entraînements par jour, par semaine? Je sais pas, je connais pas trop, mais moi. Alors dans la vie d'avant, je parlais boire un café au coin. Voilà, c'est ma journée de marche. Dans la vie d'avant, je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. Donc généralement le matin, je commençais soit par un entraînement de course à pied, soit un entraînement de natation. Ouais. En milieu de journée, c'était soit un entraînement de vélo, soit un entraînement un peu plus complémentaire de préparation physique. Et le soir, bah, soit je courais, soit je nageais. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc voilà, et je m'entraînais 6 jours sur 7. Et pour un volume horaire entre 20 et 26 heures de sport par semaine, effective. Ah oui, quand même. Là, c'est énorme. Là, c'est vraiment du haut level, comme on dit. Et maintenant, je m'entraîne entre 6 et 10 heures par semaine. Ah, bah, c'est déjà bien. Oui, c'est bien. Moi, c'est 6 à 10 heures par an. C'est déjà pas mal. Oui, mais t'as des activités prenantes, il paraît. Oui, c'est vrai. Alors, dis-moi, cette vie, cette carrière, parce que c'est quand même une belle carrière, il y a eu des bons moments, des mauvais moments pour toi, si on veut te choisir. Un paquet, mais on va commencer avec les bons avant de faire un mauvais moment ou peut-être pas, on peut peut-être pas l'appeler un mauvais. Bon, les bons moments, allez, après il y en a plein des bons moments, je suppose, mais ou une anecdote, un truc qui t'est arrivé un peu. Mais vraiment le plus, ouais. Pour moi le fait le plus marquant et le moment dont je me rappellerai le plus, c'était mon premier titre de champion de France junior en 2004. Ouais. Et j'avais la chance de courir devant ma famille proche de la maison de ma grand-mère, donc c'était c'était le top. C'était le top. Et le top. Les parents, la grand-mère, il y avait les meilleurs triathlètes de l'époque qui étaient des athlètes olympiques qui étaient venus nous encourager, les juniors. Ouais. Donc c'était aussi une belle motivation et puis bah ce jour-là tout a bien fonctionné. Et en plus je me suis battu avec deux copains on se tirait toujours toujours la bourre tous les trois et on fait un 2-3 donc on était hyper satisfait, ça a été pour nous le début de notre carrière entre guillemets en triathlon. Quand tu cours avec tes potes justement, c'est celui qui arrivera le premier, ça fout pas les boules des fois. Le dimanche c'est la course, hein, effectivement. Ouais. On est potes toute la semaine, on s'entraîne ensemble, en plus on s'entraînait ensemble dans la structure, on s'est entraîné en pôle, en équipe de France, ça arrive assez souvent qu'on s'entraîne vraiment. On va dire les meilleurs du moment au même endroit et tous ensemble. Et puis le dimanche, par contre, c'est la course. Il faut être devant. Et dans les mauvais, les mauvais, attention, on appelle mauvais souvenirs. Dans le sport. Désagréable ou mauvais, je sais pas comment on parle. Dans le sport de haut niveau, il y a des mauvais moments. Hein, ouais. Il y a des mauvais moments. Déjà, l'entraînement le matin à 7h30, c'est pas un bon moment. Comme la radio, faut se lever, voilà. Exactement. À 7h30, c'est pas un bon moment de plonger, surtout quand on aime un peu moins nager. Mais bon, moi, ce que je retiendrai le moins bon moment de ma carrière, c'est effectivement quand je me suis blessé, j'ai eu une fracture de fatigue. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc j'ai fait 6 semaines de béquilles. J'ai même pas que ça existait, une fracture de fatigue. Ouais. Moi, je m'en fais tous les jours. Donc c'est vrai que 6 semaines de béquilles, 6 semaines de rééducation et puis 3 mois avant de bien pouvoir recourir, ça a été assez difficile. Pas si un an alors. Non, exactement, 6 mois. Ah, j'imagine la déception là, parce que toi à l'époque, motivé, envie, et puis on peut pas bouger. Ça c'est le pire qui peut arriver à un sportif de haut niveau comme toi. Ah oui, c'était de toute façon pour moi ça a été le tournant physique et moral du très haut niveau. Donc à cette époque-là, j'étais en préparation olympique de triathlon. Et effectivement, j'ai compris que j'étais pas fait pour aller à un plus haut niveau parce que mon corps il a pas suivi, et s'il a pas suivi, c'est qu'il avait pas envie. C'était très long la rééducation. Ouais. Il y a du régime pour les hauts sportifs, je suppose. Il y a pas de burger, pas de pizza, pas de. Il y a eu régime. C'est draconien là-dessus aussi quand même parce que. Oui, suivant ça arrive parfois suivant les étapes et les cycles d'entraînement et les courses visées qu'on doit faire beaucoup d'efforts pour soit être plus mince, soit avoir plus d'énergie, donc manger manger différemment, faire des phases, moins de glucides après plus de viande, enfin voilà, donc c'est. Tiens, bah toi qui es toujours la patate, qui a été au niveau, un triathlète, aux auditeurs, on leur conseille quoi le matin alors comme sport pour les mettre en forme, avoir l'énergie. Ah bien le matin. Qu'est-ce qu'on peut faire hein, le matin? Au réveil, pas trop compliqué, attention. Hein. Boire un bon verre d'eau déjà, c'est bien, c'est bon pour le corps. Voilà, un bon grand verre d'eau, c'est très bien pour le corps. Ouais. Et puis, ça peut pas prendre, ça prend pas beaucoup de temps, mais faire 5 à 10 minutes de petits mouvements articulaires ou. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà, comme une petite, ce qu'on pourrait appeler de la gym, hein, une petite gym articulaire le matin, quelques flexions, tourner un petit peu les bras, se mobiliser le cou. D'accord. Voilà, c'est quelque chose. Ça, c'est déjà le bon point, quoi, on va dire le ouais, matin. C'est bien. Hein, ouais, quelqu'un qui fait pas de sport ou qui veut juste réveiller un petit peu le corps le matin, ça peut être il agréable. Il peut descendre aller chercher le courrier. Voilà, exactement. Ah, et puis, voilà. S'il y a 10 courriers, enfin, il fait 10 fois l'aller-retour. Et voilà. En tout cas, des bons plans avec toi ce matin. La suite, alors, on va parler de la suite avant de se quitter. Je sais que tu bosses. Eh bien, la suite, j'ai la chance de partir à Calvi, où je m'entraîne assez régulièrement, donc je pars samedi pour 9 jours parce que j'ai coché les championnats du monde de cross triathlon dans le planning, donc ça sera le 30 octobre en Espagne. Bon plan ça, proche de Madrid, et voilà, ça sera ma 6ème participation aux championnats du monde. Ouais. J'ai fait un seul podium et 5 top 10, donc là j'ai un peu moins d'objectifs. J'ai pas un objectif élevé. Elle est là quand même. Ouais, j'ai envie. Ouais, t'as envie. Ouais, pour le coup j'ai envie parce que je me suis libéré de la contrainte qui était la première division et le triathlon professionnel, donc c'est vrai que là je suis hyper content d'y aller. Et puis je vais pouvoir profiter de la Corse, donc c'est joli la Corse, c'est magnifique, il y a des beaux paysages en tout cas. Eh bien, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Avant que tu ailles bosser ce matin, merci sur l'arc-en-ciel. Triathlète exceptionnel, je dirais quand même. Hein. C'est dommage que ta carrière, tu arrêtes. Mais moi, on comprend que côté professionnel, il faut avancer aussi. Oui, et puis je vais continuer. Je vais vraiment continuer, je pense, de m'entraîner. Après, moi, j'ai plus d'objectif de. Parce que dans le côté professionnel, il y a aussi le côté rémunération, donc j'ai plus ce côté-là, j'ai plus besoin, j'ai plus cette envie. Par contre, je suis né dans le sport, donc je vais quand même pas tout arrêter du jour au lendemain. On lâche pas comme ça. Non. Merci Brice de Bord. Merci à vous. Merci. Bon courage pour le boulot ce matin. Oui, bah, ça va. Bon, ça va. On va y aller tranquille. C'était Brice de Bord en direct sur le 96 de FM. Ce super triathlète. Et ouais, quelle carrière. On va mettre le lien sur mon Facebook. Vous allez voir une superbe carrière. On l'adore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Brian Ferry pour bien démarrer cette matinée avec le son des années 90. Voici Slave to Love. forcément, ça vous rappelle des bons souvenirs. Quel super personnage, hein, Brice Daubord, triathlète. Il a mis un terme à sa carrière, 18 saisons, hein, champion France, champion du monde, enfin la totale. C'est un sportif de haut niveau, il est d'Orléans et on est fiers de l'avoir accueilli ce matin sur un arc-en-ciel. Merci à toi Brice Daubord. Voilà, un super mec en tous les cas, on a bien discuté ensemble. Et c'est vraiment le super, super bonhomme. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, creo. Solo te veo, solo te deseo. Qui arrive dans moins de 8 minutes en direct sur l'arc-en-ciel. Demain, Fabien Dumas sera là pour les chroniques sorties culturelles. Et puis, bon festival de l'Aura à tous. Ça démarre aujourd'hui. Profitez des marins, des mariniers, des activités, des beaux bateaux qui vont arriver sur la Loire. Belle journée, rendez-vous demain, 7h-9h. Et Victor qui arrive dans moins de 8 minutes. 100% différente pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam pam! Et où courez-vous? Faire de votre...